Cette année, ton rassemblement du Super Bowl, c'est à la Corrigan que ça se passe. Brasserie artisanale, la Corrigan, 380 rue Dorchester. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet au choix musical et à l'animation, avec plein de bonne musique comme d'habitude en ce début d'année, soir de tempête. J'imagine que vous êtes confortablement assis puis vous écoutez votre émission de rock progressif hebdomadaire. On va débuter avec la formation Thieves Kitchen. C'est une formation du Royaume-Uni qui comporte le claviériste, l'ancien claviériste Anglagard, puis sur cet album, c'est Thieves Kitchen, et il y a également de Anglagard, Joan Brand à la basse et Anna Holmgren qui à la flûte, qui participe à cet album-là, l'album Genius Loki. On vous avait déjà présenté, Michel en avait présenté une pièce, là j'ai reçu l'album, j'ai eu le temps de l'écouter. C'est un album qui prend quand même plusieurs écoutes, qui est subtil. On s'imagine avec les musiciens d'Anglagarde, c'est toujours un peu subtil. Très bon, Thieves Kitchen, Genius Loki, un album de 2019. On écoutera un extrait d'une longue pièce, la pièce The Voice of the Lar. On aura également... on vous parlera du festival Terra Incognita qui aura lieu cette année. Vous le savez, Terra Incognita, c'est le seul festival de rock progressif au Canada et un des rares en Amérique du Nord. Alors, on est chanceux d'avoir Annick Dutton qui seront là et La Mascara di Cera. On aura 35 Tapes, ES Project, Sintonia Distorta, Professor Tip Top, Head with Wings, Quelque dice il trono et La Mascara di Cera. La Mascara di Cera, c'est le super groupe italien avec Fabio Zuffanti qui feront un nouvel album en 2020 et on écoutera une pièce de leur plus récent qui date de 2013, La Porte del Domani. Alors on aura la pièce L'Enorme Abisso, mais on débute tout d'abord avec Thieves Kitchen. Thank you. hear me. No one speaks my name. In stronger days, I made this hearth my home. Ne quis ne retur qui. Simbaucis eloqua. Sum genius loci. Evergreen memories. Your eyes CKRL, communication, culture. Vous avez besoin d'une vidéo. Hugo Dufour Productions peut vous aider à atteindre vos objectifs, que vous soyez une entreprise ou un créateur. Hugo Dufour Productions filme, monte, mixe et planifie une stratégie de diffusion avec vous, selon vos besoins et surtout votre budget. Vous ne savez pas par où commencer? Faites confiance à Hugo Dufour Productions, vidéaste officiel de CKRL, qui vous guidera étape par étape. Rendez-vous sur hugodufour.com pour discuter de votre projet avec lui. Vous êtes artiste et vous cherchez un nouveau défi? CKRL vous invite au concours Talent en scène à la Korigane. Comment peut-on orienter ses forces? Musique, chant, poésie, slam, humour, soyez l'un des 26 artistes participants. On plonge dans la création continue de notre propre existence. Vous pourriez gagner un spectacle avec cachet dans la programmation 2020 de la Korigane, une campagne publicitaire de 1 000 $ à CKRL, une session live enregistrée, une séance photo professionnelle, et même 500 $ échangeables en temps de studio d'enregistrement. Et ça, c'est quand même assez magnifique. Inscription en tout temps sur ckrl.qc.ca. C'est exactement ça. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. De retour avec vous, et on avait eu juste avant la pause l'excellente formation italienne La Maschera di Cera, et comme on est super chanceux, ils se reforment cette année en 2020 avec un nouvel album, et ils seront là ici à Québec dimanche le 17 mai au Centre d'art La Chapelle dans le cadre du Festival Terra Incognita. Et là, ce qu'on a entendu, c'est un extrait de leur plus récent album, celui qui date de 2013. Et c'est l'album La Porte del Domani, et c'était la pièce L'Enorme Abisso. Juste avant, on a vu la formation du Royaume-Uni Thieves Kitchen, leur plus récent album de 2019, Genius Loci, et la pièce The Voice of the Lar. Et on est chanceux d'avoir ce festival-là. Il y a également Anecdoten, une formation suédoise qui sera là. Les 15 et 16 mai, et les 15 mai, ils feront un hommage à leur album qui a 25 ans cette année, en 2020, l'album Nucleus. Et on aura justement un extrait de Nucleus, mais ce sera une pièce démo de Book of Hours qui apparaît sur la compilation Chapters d'Anecdoten, qui est tirée de cet album-là, Nucleus. Et on débutera le bloc musical avec la formation de l'Allemagne Chamal. C'est une formation qui vous avait été présentée à quelques reprises. Jean-François, il y a un album qui vous a présenté à quelques reprises. Et cette année, en fait en 2019, je veux dire, et l'artiste qui est derrière ça, Norbert Kruller, a fait paraître ce nouvel album-là. C'est un album double, Schizophrenia. Plus de 150 minutes de musique, et c'est lui qui fait tout, les claviers, les guitares, les percussions, les voix, etc. Il y a des artistes invités sur quelques pièces, et ce soir à l'émission, on entendra, étant donné qu'il y a deux CD, on entendra dans ce bloc-ci un extrait du premier CD, et dans le dernier bloc de l'émission, un deuxième extrait du CD2. Alors, on y va avec la formation Chamal, avec les pièces The Inconvenient Truth, Part 1, Frighten et On the Air. Ça vous donnera un bon aperçu de cette épopée sur la schizophrénie. Il y a un thème, les pièces s'enchaînent toutes, là, et il y a une histoire là, autour de ça. Alors, on y va avec la formation Chamal de l'Allemagne sur les ondes de CKRL. this fire without a flame. Like eating food that does not stop the hunger, or like the sun does not brighten the day. There would be so much to do, far too much goes wrong. But I can't get my bottoms out. What's going on? What's going on with me? I'm hiding out almost every day. What's going on with me? I'm hiding out almost every day into another world. Just because I like it better, it can't go on long. Thank you. carelessly peeping behind each door, already longing for tomorrow. There's no need to fear, as long as you're here. It's not always easy, not always plain. You cannot evade your sorrow. That's part of the turns in the soul game. Give and forgive for tomorrow. There's no need to fear. We'll be right back. K-R-L. Je puis être musique, bruit, silence. .qc.ca. Communication. Culture. Vous êtes artiste et vous cherchez un nouveau défi? CKRL vous invite au concours Talent en scène à la Korigane. Comment peut-on orienter ses forces? Musique, chant, poésie, slam, humour, soyez l'un des 26 artistes participants. On plonge dans la création continue de notre propre existence. Vous pourriez gagner un spectacle avec cachet dans la programmation 2020 de la Korigane, une campagne publicitaire de 1 000 $ à CKRL, une session live enregistrée, une séance photo professionnelle et même 500 $ échangeables en temps de studio d'enregistrement. Et ça, c'est quand même assez magnifique. Inscription en tout temps sur ckrl.qc.ca. C'est exactement ça. Tout le monde a été ou sera témoin d'intimidation au travail. Sauriez-vous quoi faire? Ici Mélanie Florent, conférencière et consultante pour intimidation au travail. Le but de ma conférence est de sensibiliser vos équipes quant au savoir-être et au savoir-vivre en entreprise. Ce que vous allez apprendre, qu'est-ce que le harcèlement en milieu de travail? Les différents acteurs impliqués et les ressources à votre disposition. Pour en savoir davantage, visitez intimidationautravail.com ou 418-717-2222. Alors, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était la formation Mytho Poetic Mind. C'était un court, très court extrait. C'était la pièce de prologue de l'album Mytho Poetry. C'est une formation qui origine du saxophoniste de la formation Panzer Papa de la Suède. Ou de la Norvège? Oh, probablement. C'est de la Scandinavie, on peut pas se tromper. Juste avant, comme je vous l'avais présenté, c'est le Chamal, c'est une formation de l'Allemagne, et Schizophrénia, c'est le 15e album pour cette formation, probablement le meilleur, là, un album double, il faut le faire, là, surtout que l'album c'est 2 fois 77 minutes, et il y a beaucoup de matériel sur ça, il y a plein de bonnes pièces qu'on a entendues, on a entendu les pièces Frighten et On the Run à la toute fin, ben juste avant Mytho Poetry, ensuite on avait eu Anecdoten, c'est d'originaire de Nucleus, mais c'est une pièce Bonnie, c'est une pièce en fait de démo qui a été enregistrée en même temps que l'album là, en 1995, Nucleus. Je rappelle que la formation Anecdoten sera à Québec pour le Festival Terra Incognita 2020 plutôt. On est déjà rendu en 2020, là. J'arrive, bonne année. Et ils feront de façon intégrale là, le vendredi soir, l'album Nucleus là, qui est paru il y a 25 ans. Donc, c'est une pièce Book of Hours qu'on entendra en spectacle à Québec. On avait eu donc une autre pièce de Chamal qui avait débuté le bloc, The Inconvenient Truth, Part 1. Alors maintenant, on y va avec une formation de la Suède, Bright Eye Bryson. Michel, vous en avez présenté un premier extrait de cet album, un album qui a pour titre V pour 5, c'est leur 5e album. Et ça, c'est paru au début juin. Michel, vous avez fait entendre la première pièce. En fait, cet album-là, il y a 3 pièces. Une pièce de 12 minutes, une de 17 et une de 36. Et celle de 36, c'est la pièce qui s'intitule The Magician Chronicles Part 2. Comme vous en souvenez peut-être, The Magician Chronicles était l'album précédent qui date de 2011, Part 1. Et donc, cette longue pièce de 36 minutes, on aura un extrait de cette pièce-là, l'extrait qui finit cette pièce-là. Et on aura également la formation américaine Is tirée de Don't Panic. La pièce Don't Panic, une courte pièce, mais qui introduit cet album-là, qui est vraiment excellent. Un des coups de cœur de 2019 pour ma part. Et on aura aussi la formation américaine, c'est Frank Wyatt, là, c'est lui qui était dans Happy Domain, une formation des années 70, Frank Wyatt. Michel vous en a fait jouer un premier extrait de son album Frank Wyatt and Friends. Au début, c'était supposé être une réunion de Happy Domain, mais finalement, il a décidé de faire un album avec des collaborateurs, les gens avec qui il a collaboré tout au long de sa carrière, Frank Wyatt. Et donc, on aura la pièce The Approach. On y va d'abord avec Bright Eye Bryson. Thank you. Trying to move me away.

On avait eu justement Frank Wyatt, qui était claviériste de la formation Happy Demon, et leur plus récent album, donc c'est Frank Wyatt and Friends, l'album Zeitgeist, et c'était la pièce The Approach. On avait eu la formation américaine Is, avec la pièce Don't Panic, tirée de Don't Panic. Là, il y a un livre que Michel Bilodeau a écrit sur la carrière de Is, puis il raconte évidemment l'histoire de chacun des albums. Avec celui-là, comme il disait, après avoir fait la trilogie qui avait débuté avec The Darkened Room, là, il était beaucoup plus libre avec cet album-là, Don't Panic, de composer tous ensemble, là, puis de se laisser aller complètement sans être dans le cadre d'un concept qui s'était donné. Alors, ça a donné cet superbe album qui se classe super bien dans les classements là, des meilleurs albums de 2019. C'est mon cas aussi, dans mon top 10 personnel, Don't Panic, de Is. Et la formation, on avait débuté avec la formation de la Suède, Bright Eye Bryson, tiré de leur album également paru en 2019, l'album V. Et c'était un extrait de la pièce de Magician Chronicles Part 2. Alors pour terminer, dans le dernier bloc, on vient avec un deuxième extrait, en fait troisième extrait, parce qu'il y avait deux extraits du CD1. Là, maintenant, ça va être un extrait du CD2 de Chamal, de leur album Schizophrénia, donc de l'Allemagne, projet de Norbert Kröhler. Et donc, ce sera la pièce World of Emotions, tirée de l'album Schizophrénia. Et on aura également la formation de Samurai of Prague. Ça, c'est l'album qui était paru l'an dernier, presque au même moment, un jour pour jour, si on veut, Toki non Kase. Là, on sait, Michel vous en a déjà présenté un premier extrait, ça va être Gulliver, là, le prochain album qui sort en 2020. On y va avec une pièce qu'on n'avait jamais écoutée encore, de Spirit Around Us. Et on aura également la formation du Québec RG. Ça, c'est le projet d'un musicien du Saguenay, Robin Gaudreau. Et c'est paru en 2002. C'est sur l'étiquette Ipso Facto. C'est une étiquette de Michel Bilodeau. Distribuait plein d'artistes du Québec, donc tirée de Au-delà des ombres, on aura la pièce La course au papillon. Mais tout pour débuter, on a Chamal et Samurai of Prague. Thank you. beast or the author of rage. Arrows released at my saving our kind with a care surrounding.